sur un trottoir inondé d'une artificielle rosée, de chaises en aluminium, soutiennent de bons hommes qui d'un geste régulier mélange le sucre au café. En terrasse après-midi, deux billets pour deux demi, veste en velours pour illustrer un discours embourgeoisé, banalité d'une vie de Parisien de fourmi, d'un être humain dans Paris. Il a pourtant tant d'amis, des rendez-vous toutes les nuits avec d'autres anonymes qui se côtoient pour la frime. Un beau jour sans dire merci abandonnera l'ennui d'un être humain dans Paris. Tout seul à Paris, les mains arrondies, serrées autour d'une tasse à café, repense au monde et sans bruit, il se dispute avec lui, il craint de finir sa vie comme les autres autour de lui. Comme un humain dans